Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je veux parler à un frère. Tu marchais dans la sanctification. Mais d'où vient que ces derniers temps, tu es revenu aux choses que tu as abandonnées? Le Seigneur t'appelle au ministère. Alors marche dans la crainte de son nom. Sépare-toi de tous ceux qui t'attachent encore au monde. Réveille-toi. Tu dois mener une vie de consécration. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à OSB. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7 à partir verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous priez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, s'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle s'est réconciliée avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Je vais partager quatre vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il est bon de se marier pour ne pas tomber dans l'impudicité. Donc l'apôtre Paul montre l'importance du mariage. Vous savez, lorsque par exemple vous êtes pasteur ou vous êtes leader dans l'église, il n'est pas bon de rester longtemps sans se marier, vous voyez. Dans ce cas-là, le célibat devient une occasion de chute. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, qui chutent tout simplement parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est pourquoi nous devons encourager les jeunes gens, devons encourager ceux qui sont célibataires à se marier. Parce que souvent, quand on est célibataire, on est exposé. Par exemple, quand vous occupez un poste de responsabilité, vous avez l'argent, vous avez une maison, vous avez beaucoup d'avantages et vous serez sollicité. Donc, il est bon pour vous de vous marier au lieu de rester célibataire. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, pour ce qui se concerne, il dit au verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » C'est pourquoi nous devons encourager nos enfants, nos jeunes gens, les préparer à entrer dans les mariages, à savoir comment on se marie au lieu de vivre dans l'immoralité sexuelle. Deuxième vérité, un homme marié ou une femme mariée ne doit pas priver son mari de son corps. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes mariés. Je vais parler à une femme, écoute-moi bien. Lorsque tu es marié, ton corps appartient à ton mari. Tu ne dois pas pour un rien dire à ton mari, non, tu ne peux pas me toucher. Lorsque tu fais cela, tu vis dans le péché, vous voyez. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit ici, au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et le verset 5, qui est le clou, dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. C'est-à-dire, il donne l'exception. L'exception ici, c'est que le couple marié peut se dire, bon, nous nous abstenons de nos relations pour vaquer à la prière. C'est-à-dire, lorsque vous voulez, par exemple, jeûner pour un problème, une situation qui vous accable, vous pouvez vous dire d'un commun accord. Non, ce n'est pas de manière unilatérale. Ce n'est pas le monsieur qui dit non, toi, tu ne me touches pas. Ou bien la femme, toi, ne me touches pas. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. Donc, vous devez vraiment vous repentir lorsque vous privez votre mari ou votre femme. Troisième vérité. Le célibat peut être un appel ou un don pour certains. Mais lorsque vous choisissez d'être célibataire, vous devez vivre dans la chasteté. Vous voyez, c'est le cas de l'apôtre Paul. Vous voyez, le célibat n'est pas obligatoire. Il y a certains qui l'ont rendu obligatoire. Il n'est pas dit que pour servir le Seigneur, vous devez être célibataire. Mais il y a ceux qui peuvent demeurer célibataires. Ils ne pêchent pas. Ça peut être un appel. L'apôtre Paul, il a servi le Seigneur. Il est resté toute sa vie célibataire. C'est comme un appel qu'il a reçu de la part du Seigneur. Donc, ne voyons pas d'un mauvais œil une sœur qui demeure célibataire ou bien un frère, mais qui reste engagé dans les ministères pour servir le Seigneur. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit au verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » c'est-à-dire célibataire, mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Et il dit au verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Tu peux être une femme veuve, tu as perdu ton mari. Si tu sens que tu ne peux plus te remarier, tu veux te consacrer à l'œuvre de Dieu, tu veux te consacrer à l'éducation de tes enfants, donc tu peux rester célibataire. Mais lorsque tu prends cette option, il faut demeurer dans la chasteté. Il ne faut pas dire, bon, moi je suis célibataire, mais de temps en temps, tu commences maintenant à sortir avec des hommes par-ci, par-là. Non. Donc, si tu as choisi cette option, demeure célibataire, demeure dans la chasteté, ne tombe pas dans l'immoralité. Si tu sens que tu ne peux pas vivre dans la chasteté, alors il faut te remarier. Je veux parler à une jeune dame. Tu es encore jeune, tu as moins de 40 ans, tu as perdu ton mari. Tu peux te remarier. Tu as cette possibilité-là. Parfois, tu as dit, peut-être que tu as dit, non, je ne peux plus me remarier parce que j'ai perdu mon mari. Oui, peut-être que tu l'as dit par émotion, mais tu as cette possibilité de te remarier. Mais si tu dis que tu vas rester célibataire, tu veux rester célibataire, dans ce cas-là, tu dois vivre dans la chasteté. Il ne faut pas que tu livres ton corps encore pour tomber dans l'immoralité sexuelle. Voyez, c'est pourquoi dans l'église, nous faisons souvent la différence entre les jeunes veuves et les veuves qui sont âgées. Très souvent, ce sont les veuves qui sont âgées, que l'église peut prendre en charge, mais les jeunes veuves qui peuvent encore travailler, les jeunes veuves qui ont encore la possibilité de se remarier, peuvent encore se remarier. C'est que l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici. Quatrième vérité, le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Je veux parler à un monsieur. Écoute, tu es frère en Christ et tu as entamé une procédure de divorce. Mais tu vivais déjà avec cette jeune fille pour qui tu veux divorcer. Laisse-moi te dire que la jeune fille avec qui tu veux vivre là, ou tu as commencé déjà de vivre, elle ne t'aime pas. C'est une mercenaire. Aujourd'hui, tu es béni. Aujourd'hui, tu as une voiture. Aujourd'hui, tu as un bon salaire. Et tu veux répudier cette femme-là qui a prié pour toi, qui a jeûné. Laisse-moi t'avertir que si tu t'entêtes, tu verras que des avantages que tu as aujourd'hui, tu vas perdre ça. Tu vas perdre ton travail. Parce que Dieu risque de te châtier. Parce que ce n'est pas normal de répudier cette femme qui a prié, qui a jeûné pour que tu puisses avoir ce poste-là et tu ne veux même pas t'occuper des soins des enfants. Non, je te supplie mon frère, repens-toi, ressaisis-toi et reprends ton épouse parce que Dieu n'a pas conçu les divorces pour toi. C'est l'ennemi qui est en train de t'égarer. Ne sois pas endurci. Il est encore possible de te ressaisir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez, l'apôtre Paul est clair ici. Il dit, si vous voulez divorcer, vous avez deux possibilités. première possibilité, soit vous vous réconciliez avec votre femme ou votre mari. Et ça, c'est la bonne option. Si vous voulez divorcer, dans ce cas, vous choisissez de demeurer célibataire toute votre vie. Parce qu'il n'y a que la mort qui peut vous séparer, qui peut briser les liens du mariage. C'est pour dire que les remariages tels que les gens le font si facilement, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est que je vais mettre dehors cette femme, ou bien je vais me séparer de ce monsieur-là, parce que j'ai déjà quelqu'un d'autre, et puis tu te remaries. Tu peux même changer de ville, tu peux changer de pays, mon ami. Si tu es chrétien, sache que ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Hein. Tu quittes la Côte d'Ivoire et puis tu t'en vas faire mariage en France. Tu quittes Abidjan et puis tu t'en vas te marier à Yamoussoukro. Tu quittes ici, tu t'en vas te marier, je ne sais pas, au Cameroun ou au Gabon, mon ami. Partout, Dieu te voit. Sache que ta vie ne plaît pas au Seigneur. Ce que tu fais ne plaît pas au Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à marcher dans la pureté, dans l'obéissance à sa parole. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Mais nous allons d'abord chanter ce cantique à la louange de son nom. Alléluia. Pour mes âmes, c'est gloire au Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Commence à bénir le Seigneur pour toutes ces vérités qu'il te donne. Amen. Nous voulons rappeler que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la Radio Nationale des Églises Protestantes et Évangéliques de Côte d'Ivoire, appelée la radio Fréquence Vie. Vous pouvez suivre nos émissions en direct. Où que vous soyez, si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez télécharger l'application Vox M, et puis vous cherchez Radio Fréquence Vie et vous pouvez suivre toutes nos émissions. Vous avez aussi la plateforme TuneIn et vous pouvez rechercher Radio Fréquence Vie. Et à 5h temps universel en direct, vous pouvez suivre l'émission OSB. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, si vous avez la possibilité de recevoir OSB par WhatsApp, vous pouvez partager aussi avec des amis et connaissances. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 11. Nous allons prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. L'apôtre Paul montre que lorsque nous devons nous marier pour éviter de tomber dans l'immoralité, prions pour les jeunes gens, les jeunes garçons et tous ceux qui sont célibataires et qui aspirent au mariage, que Dieu leur ouvre la porte du mariage. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Nous sommes reconnaissants au Père éternel, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Merci pour ce privilège que nous avons eu et pour la manifestation de ta patience à notre égard. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Ce matin, Père éternel, nous prions pour tous les jeunes, pour toute personne qui aspire à un mariage, toute personne qui n'est pas mariée et qui aspire à un mariage. Nous demandons au Père éternel que tu les guides, que tu les instruises, que pendant qu'ils marchent avec toi, pendant qu'ils sont attachés à toi, tu les orientes et tu les guides. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils ne commettent pas d'erreurs. Fais en sorte qu'ils ne fassent pas de mauvais choix. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils ne se compromettent pas pendant qu'ils aspirent au mariage. Nous prions, ô Père, pour la sanctification. Que ta grâce se manifeste dans la vie de nos frères, de nos sœurs, qui ne sont pas encore mariés et qui aspirent à un mariage, afin qu'ils puissent marcher dans la sanctification, vivre dans la sanctification. Ô Père éternel, lorsque nous tournons vers toi les regards, notre visage ne se couvre point de honte. Ne fais pas, ô Père éternel, que les ennemis les poussent à commettre une erreur parce qu'ils veulent à tout prix se marier. Accorde-leur la grâce de la patience, la grâce de la persévérance. Tout projet de puissance des ténèbres pour les inciter à se compromettre est lié au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci parce que nous avons l'assurance que notre prière sera exaucée. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que des couples mariés ne doivent pas se priver l'un à l'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui vivent dans la séparation du corps. Prions le Seigneur pour tous ces couples-là, afin qu'ils soient restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, notre Père, ce matin, nous bénissons ton nom. Merci parce que tu as uni des couples et tu leur as donné de vivre ensemble. Certains ont fait déjà des mois, des années ensemble. Ils ont des enfants et aujourd'hui, ils ne s'entendent pas. Ils se sont privés et ils se privent à cause de l'orgueil, à cause de la colère, à cause d'un péché que l'autre n'arrive pas à pardonner et prive son conjoint ou sa conjointe d'aller avec elle, d'aller avec lui. Il y a aussi certains couple qui n'arrive pas à s'entendre à cause de la haine, à cause du mépris. Il y a aussi certains couples qui n'arrivent pas à s'entendre à cause des enfants de l'autre. Il y a aussi certains couples qui n'arrivent pas à accepter les enfants de l'autre. Il y a aussi certains couples qui n'arrivent pas à s'entendre parce que l'un a été tellement offensé et il se prive. Et il n'arrive pas même à se pardonner. Seigneur, ce matin, nous prions que par ta grâce, Seigneur, que leur amour renaisse, que leur premier pas de la joie dans le mariage soit renouvelé, soit restauré, que tu donnes à l'homme d'aimer son épouse et que la femme aussi aime son mari et soit soumise. Merci Seigneur notre Dieu pour ton esprit qui les unit afin que chacun d'eux ne se prive pas selon ta parole. Bénis, restaure, renouvelle ces foyers qui sont en difficulté et accorde-les Seigneur notre Dieu d'aller de se réjouir ensemble pour l'avancement de ton œuvre afin qu'ils soient des témoins dans leur maison, dans leur quartier, à l'église. Merci de te manifester encore dans la vie de ces couples. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit de divorce. Nous venons de voir que le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Prions pour que ceux qui sont sur la voie de divorce puissent renoncer à leur projet, qu'ils puissent se réconcilier. Prions pour chasser l'esprit de divorce de nos familles, de nos églises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, ce matin, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance, notre prière d'action de grâce, pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations, pour ta sécurité, pour ton amour, pour la paix que tu établis chaque jour en nous. Nous avons l'opportunité ce matin de prier au Père éternel pour le corps du Christ et nous élever contre tout esprit de divorce, parce que le divorce ne fait pas partie de ta volonté parfaite. Le divorce, c'est le fruit de l'échec relationnel. Nous demandons, Père éternel, que cet échec ne soit pas vu dans nos foyers, dans nos familles. Nous élevons contre toute projection, contre tout projet de divorce. Que ton amour se manifeste dans la vie des uns et des autres. Père, fais en sorte que l'humilité habite les couples qui sont en rupture relationnelle, des couples qui sont en crise. Toi qui es le Dieu de réconciliation, que l'esprit de réconciliation se manifeste au sein de ces différents couples. Que ton amour prenne le dessus sur toute chose et que le pardon soit une réalité. Nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons été pardonner. Fais en sorte, ô Père éternel, que ce sentiment d'humilité, de reconnaissance pour tous tes bienfaits habite chacune des personnes qui sont en difficulté relationnelle. Merci pour ton amour. Merci pour la paix que tu établis dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. Puissance, par son bras puissant, faisons.